Il est l'or qu'elle éteint la lumière. Elle bascule dans mon univers. En goûtant au plaisir charnel, la charmante demoiselle se sent pousser les ailes. Je dévisage son doux visage. Ce paysage me donne envie de voyager. Sous son corps sage, est-elle si sage? Je l'envisage dans des postures qui me font rêver. Son innocence, je m'en balance. En toutes circonstances, je ne désire que la combler. Car sa présence éveille mes sens. Cette fille m'en sens de par sa beauté. Et dès lors qu'elle éteint la lumière, elle bascule dans mon univers. En goûtant au plaisir charnel, la charmante demoiselle se sent pousser les ailes. Je la devine idyllivine, tendre câline. Elle est tout ce qu'elle peut rechercher. Je l'imagine plutôt coquine, un peu taquine, car qui ne voudrait pas l'approcher. Sans me soumettre, je dois l'admettre. Elle est parfaite et dans ses yeux j'aimerais me plonger. Chaque centimètre de ce bel être me tourne la tête. Et face à elle je ne peux lutter. Et dès lors qu'elle est en la lumière, elle bascule de temps mon univers. En goûtant au plaisir charnel, charmante demoiselle se sent pousser les ailes. Et dès lors qu'elle est en la lumière, elle bascule dans mon univers. En goûtant au plaisir charnel, la charmante demoiselle se sent pousser les ailes. Se sent pousser les ailes. Se sent pousser les ailes.